seras là si ça finit mal. Qui sera là si je me prends une balle. Qui sera là, qui sera là. Qui sera là, qui sera là. Qui sera là, qui sera là. Qui sera là, qui sera là. Qui sera là, qui sera là. Dans la street, on sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Y'a pas à raconter ta vie ici, on t'écoutera pas. Dans la street, on sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Y'a pas à raconter ta vie ici, gros, on t'écoutera pas. Le savoir est une arme, t'inquiète pas. On sait qui sait pas quand y'a Haja. On sait qui t'es saut, et on sait qui sait pas si tu béton. Tu sais qui t'oublie, tu sais qui t'assure. Tu sais qui se mettra directement sur les côtes de ta sœur. Qui veut mettre une banane, qui veut venir me faire grailler le potassium. Au comico, je préfère un poteau muet plutôt qu'un poteau sourd. La drogue, qui la vend. Qui l'achète, qui avance, qui s'arrête, qui m'arrange, qui me la met en vrai, je m'en bats les reins. Qui veut me porter l'œil, qui veut me porter la rétine. Qui porte toujours ses yeux, c'est qui porte des parésies. Qui a la dalle des sous, qui a vraiment l'appétit. Qui est sur le terrain, qui est titulaire comme l'avait dit. Qui veut rester ici et qui veut se barrer de là. Les kills sont dans la gova, mais qui remonte la frappe d'Espagne. Les qui, c'était veulent savoir qui contrôle le réseau. Qui à la fin du mois comptera plus de 50 000 euros cash. Dis-moi avec qui tu traînes, je dirais qui t'aime. Fais semblant d'être en reste, tu verras qui t'aime. Dis-moi qui pour moi pourrait prendre une balle. Dis-moi qui sera là si ça finit mal. Ouais si ça finit mal. Dis-moi qui sera là si ça finit mal. Ouais si ça finit mal. Dis-moi qui sera Al. Seul dans ta cellule, tu sais qui t'a poucave. Qui rentre dans le club en tête, qui danse de ma pouka. Regarde qui te suit, tu veux savoir qui t'es. Qui semblant d'être en haisse, tu verras qui t'aime. Qui t'a fait fumer la caille, qui t'a fait fumer la frappe. Tu respectes pas les femmes et qui t'a éduqué bâtard. Quand c'était sec, qui s'est mouillé, qui a braqué. Qui a dit les fins de la journée, t'attends le billet. Toi être faux des grosses au direct. Mon pote on est tous criés, mon pote j'ai toujours nié. On rêve de péter le milliard pour ensuite danser le Mia. Ce flow c'est le mien, dis-moi qui fait mieux. Les potes sont toujours pliés, donc la balle se loge au milieu. La street ne fait qu'empirer. Qui est qui rétit, qui se vesquit, qui hésite et qui résiste. Ainsi va la vie, qui va lever le cross en I. Le rap français ressuscite, et tu sais c'est grâce à qui. Dis-moi avec qui tu traînes, je dirai qui t'aime. Fais semblant d'être en reste, tu verras qui t'aime. Dis-moi qui pour moi pourrait prendre une balle. Dis-moi qui sera là si ça finit mal. Ouais si ça finit mal. Dis-moi qui sera là si ça finit mal. Ouais si ça finit mal. Dis-moi qui sera Al.